Divers milieux sud-coréens exaltent l'idée originale des grands hommes d'Actusan privilégiant les jeunes. Park In-ho, jeune habitant de Séoul, a dit que la fierté des jeunes du Nord, qui surprennent le monde entier, est impensable en dehors de la politique du général Kim Jong-il privilégiant les jeunes. Il a dit que pour avoir fait briller l'organisation des jeunes piliers de la prospérité nationale sous le nom du président Kim Il-sung, il est un illustre dirigeant du mouvement de la jeunesse originale. Les journaux, radios et autres presses, ainsi que les spécialistes sud-coréens, ont affirmé que le maréchal Kim Jong-un accorde un intérêt particulier au travail et à la politique privilégiant la nouvelle génération en dehors de sa politique attachée aux divers milieux de la population. Ils ont déclaré que les exploits héroïques et les belles conduites manifestées par les jeunes sous sa direction sont inimaginables dans la société sud-coréenne et dans d'autres pays.